Le tronc d'arbre. Éloi a chaud. Je vais me baigner, dit-il. Éloi regarde sa piscine. Oh, il y a un tronc d'arbre dans ma piscine, dit-il. Éloi prend un bâton. Il met le bâton sous le tronc d'arbre. Viens ici, tronc d'arbre, dit-il. Je ne veux pas me baigner avec toi. Mais le tronc d'arbre est un crocodile. Clac! Le crocodile croque le bâton. Éloi voit ses grandes dents. Allez, décrit Éloi, le tronc d'arbre est un crocodile. Pouvez-vous venir chez moi? Il y a un crocodile dans ma piscine. D'accord. Marie arrive à la maison. Elle a de la nourriture et une corde. Elle montre la nourriture au crocodile. Viens, crocodile, viens, dit-elle. Le crocodile sort de l'eau. Clac! Il croque la nourriture. Marie s'assoit sur le crocodile. Elle attache la corde autour de sa gueule. Marie met le crocodile dans le camion. Tu viens avec moi, dit-elle. Cette piscine n'est pas pour toi.